Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît, ma prière. Majesté. Est-ce qu'on peut lever les mains? Oh, majesté. Sa présence est ici ce matin. Majesté. Bien que les voix qui s'élèvent en disant majesté. Majesté. Il est assis sur le trône. Il est vivant. Il est là. Il est puissant. Il est puissant. Il est merveilleux. Il est Alpha. Il est Omega. Il est le premier. Oh Seigneur, merci. Oh. Majesté. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Remercie Dieu pour ta vie. Dis merci. C'est pas sa grâce que tu es là. C'est pas sa grâce que tu es ici ce matin. Si tu as la vie, c'est pas sa grâce. Si tu as la force, c'est pas sa grâce. Oh, les bros, c'est les mains. Seigneur, merci pour ta présence. Sa présence est ici ce matin. Pour te changer, pour te bénir. Oh, Seigneur, merci ce matin. Nous te bénissons. Nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh, Seigneur, merci. Même dans la tristesse, Seigneur, nous voulons t'adorer. Même dans la joie, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous ne voulons pas t'oublier lorsque nous sommes en joie. Oh, Seigneur, merci. Nous ne voulons pas attendre lorsque nous sommes malades avant de commencer à t'adorer. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Merci. Merci. Merci. Seigneur, je prie ce matin. Je suis un homme. Seigneur, je veux prêcher ta parole. Je prie pour moi-même, Seigneur. Seigneur, que l'onction vienne. Que le peuple entende ta voix. Pas la voix d'un homme comme moi. Seigneur, merci. Aie pitié de nous ce matin. Et bénis-nous par ta parole. Tu as dit ta parole et envoyé accomplir un dessein. Et ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ce dessein. Et ce matin, est-ce que cette voix... cette parole accomplit le dessein que tu as pour chaque personne ici. Seigneur, merci. Saint-Esprit, dispose bien nos cœurs pour recevoir cette parole. Que nos cœurs soient une bonne terre qui reçoit et qui porte de fruits. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez le Seigneur. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Vous êtes bénis? Alléluia. Et je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde. Alléluia. Et ce matin, je pense que à la fin, tu vas attester que je suis béni. Alléluia. Parce que le Seigneur va te bénir. Amen. All right. Et donc, on va continuer. Et on va terminer avec le sujet de la dîme ce matin. Alléluia. Wow. Malachie 3. Je pense que c'est un verset qu'on ne doit pas oublier. Malachie 3. Alléluia. Verset 10. Malachie 3, verset 10. Tout le monde. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Alléluia. On a 106 livres dans la Bible. Alléluia. Et on a combien dans l'Ancien Testament? On a combien dans l'Ancien Testament? C'est combien? Vous ne savez pas. 39? 36 ou bien 39? Compte. Tu as le... Là. 36. 36. Et puis le Nouveau Testament, c'est combien? Ben combien? Oui? 39, 27. Ça fait 66. Alléluia. Dans le dernier livre de Malachie, c'est... Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Et le dernier livre du Nouveau Testament, c'est... Pardon? Apocalypse. Alléluia. Vous voyez, ces choses, on les apprend à l'école des enfants. Des jeunes. Alléluia. Les enfants connaissent tous les livres de la Bible. Genèse, ils ont même un chant. Hein? Qui connaît ce chant? Comment? C'est lui seul qui connaît le chant. Et les autres? Alléluia. Amen. Yeah. Et vous allez voir que plusieurs d'entre nous, moi, je n'ai pas commencé l'église comme enfant. Alléluia. Alors, c'est là qu'on a grandi, qu'on a été sauvé. Alléluia. Et donc, comme si tu es comme moi, on doit l'apprendre. C'est ça, non? On doit apprendre à connaître les livres de la Bible. Hein? Ce sont les choses que... Parce que si on dit Malachie, tu vas dire, ah, Malachie existe. Malachie, c'est quoi? C'est quoi? Alléluia. Amen. Yeah. Et donc, on doit connaître les livres de la Bible, Genèse, tout ça là. Et puis, Matthieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur Malachie. Alléluia. Wow, le temps passe très vite. Chapitre 3, verset 10. Wow. Je voulais lire en anglais. Okay. Apportez à la maison du trésor dans toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi dans de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est pas une partie d'un roman. Ce n'est pas un roman. Vous comprenez? Ça, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de parler de la sagesse de Dieu, et la sagesse qui amène à la prospérité. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Yeah. Vous voyez, nous avons l'habitude de croire aux choses qui sont, comment on dit, spectaculaires. Ce sont des choses, on aime ces choses. Ou bien, yeah, c'est comme le pasteur ferme les yeux et puis fait quelque chose et puis il se retrouve quelque part. Tout le monde va croire ici. Et que le pasteur va dire, OK, il y a une onction qui est là ce matin, et puis je fais comme ça. Tout le monde ici va croire. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah, tout le monde dit, c'est ce que nous aimons. Vous voyez, la sagesse de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit dans Corinthiens que la sagesse de Dieu, Dieu utilise la sagesse pour confondre les sages. C'est aussi simple que tu ne vas même pas considérer. Alléluia. Si, et la sagesse de Dieu, par exemple, on dit, enlève 10%, comme je disais la soirée passée. Nous tous, on est allés à l'école, ou bien. On a fait mathématiques, arithmétique. Arithmétique, c'est ça, non? 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. C'est ça, non? Yeah. Yeah. Yeah. Et un calcul mental. Calcul mental. Lorsque j'étais à l'école primaire, classe de CM2, CM1, des trucs comme ça, venez très tôt le matin, 7h30, calcul mental. C'est pas facile. Alléluia. Donc nous tous, on a fait l'école. Alléluia. Nous tous, on a fait la mathématique. On peut faire 1 plus 2, 4, 1 plus 2, plus 2, plus 2, 4, 1 plus 1, 2, tout ça là. Alléluia. Et donc, si le Seigneur nous dit, enlève 10% et je vais t'en donner plus, ça n'a pas de sens. Pour nous les mathématiciens, pour nous les étudiants, alléluia, pour nous les professionnels, pour nous qui ont fait l'école, on est allé, on a la licence, on a le bac, on a tout ça là, on a la maîtrise, on a les doctorats, alléluia, on a tous les diplômes, ça n'a pas de sens pour nous, alléluia. C'est comme ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'a pas vraiment, il n'a pas de sens. Lorsque tu commences à analyser, ça n'a pas de sens. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu parle de sa sagesse, il faut t'asseoir, il faut attendre un peu, il faut prendre ton temps pour dire, ah, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Dieu nous dit que, amen. Et je veux faire quoi? Mets-moi à l'épreuve. Il dit, mais mets-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, est-ce que une fois, tu as une fois vu les écluses des cieux ouvertes? Tu as vu ça? C'est où? C'est au Congo ou bien c'est au Gabon que les écluses sont ouvertes? On a déjà vu ça? Ou bien c'est au Ghana? C'est en France ou bien c'est en Amérique qu'on a vu les écluses ouvertes? On n'a jamais vu ou bien? On n'a jamais vu. Ça n'a pas de sens. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? On voit, on a chaque fois, il y a 3 jours bien hier, il a plu. Est-ce que c'est ça les écluses des cieux qui sont ouvertes? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et puis, si je ne répands pas sur vous, la bénédiction en abondance. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Alléluia. Donc, la sagesse de Dieu est telle que parfois, c'est un mystère. Et parfois, c'est très simple que on ne veut pas mettre ça en pratique. Est-ce que vous comprenez? C'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu a dit d'amener, qu'est-ce que le chrétien fait? C'est de croire. Elle croit. Et comme chrétien, il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier les versets sur la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Doit croire qu'il est le rémunérateur. Alléluia. Il n'a pas dit de faire des mathématiques, la mathématique, avant de croire, avant de venir à lui. Non. Il doit croire. Donc la foi est très, très importante pour le chrétien. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, on dit on croit, mais on ne croit pas. Ce n'est pas vraiment. Yeah, ce n'est pas vrai. Hier, j'ai donné cette histoire-là à une sœur qui avait un gars qui marchait sur une corde qui est étendue sur une fossée très profonde. Alléluia. Et puis marchait sur la corde. Comme hier, on a tiré la corde là. Ceux qui étaient là-bas sur la police dépôt. On a tiré à la corde. Et Abelin a remporté le... hein? On a eu beaucoup de prix, non? Yeah, donc aujourd'hui, au troisième compte, nous tous sommes allés là-bas pour recevoir les prix. Alléluia. Yeah. La corde là, il y a un gars qui marchait sur la corde, qui est tendu sur une grande fossée. On dit l'eau bien là. Le, un grand fossé. Et donc les gens acclamaient, oh, yo, acclamaient pour lui. Acclamaient pour lui. Les gens étaient contents, acclamaient. Et puis il a marché. Est-ce que vous comprenez? Et puis il a pris, comment on dit? Hulbarrow, c'est quoi? La brouette. Et il a demandé à tout le monde, est-ce que vous croyez que je peux marcher sur la corde avec la brouette sur la corde? Je peux marcher? Tout le monde dit, oui, nous croyons, nous sommes sûrs, tu peux le faire, c'est possible. Donc, il a pris la brouette et puis il a marché sur la corde d'un bout jusqu'à l'autre. Et puis, on a clamé pour lui, les gens étaient contents. Alléluia. Et puis, lorsqu'il a fini, arrivé à l'autre bout, il a dit, est-ce que vous croyez que je peux mettre quelqu'un dans la brouette et puis marcher sur la corde? Ils ont dit, oui, nous croyons, c'est possible, tu peux le faire. Tout le monde a dit oui. Il a demandé volontaire. Il a demandé volontaire. C'est en ce moment que la foi, vous dites, vous croyez, personne. J'arrive, tu veux monter dans la boîte? Personne. Yeah. Donc, c'est là qu'on voit que beaucoup de nous, on dit on croit, mais on ne croit pas vraiment. On ne croit pas vraiment à Dieu. Et je vais vous encourager. Ça va faire une grande différence dans ta vie si tu crois en Dieu. Yeah. Grande différence. Donc, sur la dîme, c'est la même chose. Et lorsque je dis que c'est la sagesse de Dieu, je comprends, c'est la sagesse de Dieu pour confondre. Alléluia. Pour te prospérer. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et l'une de ces sagesses, la Bible dit, n'emprunte pas de l'argent. Alléluia. Yeah. N'emprunte pas de l'argent. L'évêque a dit quelque chose que un jour, il y a le bishop Oedepo. Vous connaissez le bishop Oedepo? Winners Chapel. Yeah, Winners Chapel. Il a dit un jour, il a demandé à Dieu, Dieu, quelle est la clé pour la prospérité? Yeah. Vous voulez connaître cette clé? Yeah. La clé que ne doit à personne. Ça veut dire quoi? Ne doit de l'argent à personne. C'est comme tu as emprunté de l'argent et tu dois repayer. Vous comprenez? C'est le commencement de la prospérité. Yeah. Et puis c'est dans Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ah. Romains 13, verset 8. Ne doit à personne, c'est une sagesse. Si tu n'as rien, tu ne dois à personne. C'est le commencement de ta prospérité. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et cela veut dire que n'achète pas les choses en crédit. Yeah. Il y a beaucoup de choses qui mangent en ville et tout ce qu'ils portent là, c'est en crédit. De la tête jusqu'aux pieds, c'est en crédit. C'est en train de marcher. Et de nos jours, beaucoup de jeunes veulent impressionner. Impressionner. Et on va emprunter ses arts, emprunter ses yeux, emprunter chaussures, emprunter cheveux, emprunter les yeux, on a emprunté les ongles, on a emprunté les habits, on a emprunté. Tout est emprunté. Et on voit ça à l'école. Beaucoup de personnes à l'école, c'est pour impressionner. Et dans toi, il faut pas être impressionné par ce que les gens font. Parce que beaucoup de personnes sont endettées. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et comme jeune, je répète encore, comme jeune, n'emprunte pas de l'argent. Et lorsque tu commences à travailler, n'emprunte pas de l'argent. Tu vas voir que tu vas prospérer. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'on voit beaucoup de personnes, comme moi j'ai commencé à travailler il y a plus de 15 ans. J'ai commencé à travailler il y a plus de 15 ans. Et chaque fois je viens, les jeunes qui viennent, on les embauche. Premières années, tu vas voir qu'ils ont emprunté beaucoup d'argent. Beaucoup. Alléluia. Ils achètent beaucoup de choses en crédit. Téléphone, sac, habits. Tout est en crédit. Et tu vois qu'ils ont commencé une voie de pauvreté. Yeah. Parce que rien ne t'appartient. Pourquoi la salle est calme comme ça? C'est la sagesse de Dieu. Et tu vas voir la différence à quelqu'un qui emprunte de l'argent et quelqu'un qui ne emprunte pas de l'argent. Tu vois que la personne a toujours de l'argent. Vous comprenez? La personne qui n'emprunte pas, il a toujours l'argent, son salaire qu'il reçoit. Il ne doit à personne. Ou bien, il ne doit à personne. Mais la personne qui a emprunté la chose, les choses en crédit, lorsqu'on paie le salaire, ok, Myrène, 10 000. Maoli, 15 000. Stéphane, 2 000. Shaviva, 500. Golden, combien? 200. De la joie. Tu vas, après avoir payé toutes ces personnes du salaire, il doit encore. Ça ne suffit même pas. Donc, il doit encore aller emprunter une autre personne. Tu vois que ça continue. Ça continue. Donc, comme jeûne la sagesse de Dieu, c'est simple. Et si tu ne fais pas attention, ce n'est pas spectaculaire. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas croire et tu ne vas pas pratiquer. Et à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Yeah, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Yeah. Et c'est pourquoi lorsqu'on voit Lighthouse, Lighthouse ne doit à personne. Ne doit à personne. Tout ce qu'on a, les constructions, ne doit à personne. C'est pourquoi les gens disent, ah mais ça là, c'est quoi? C'est quoi? On ne doit à personne. Le peu qu'on prend, les Inganas, ils disent, Pesouès, c'est ça qu'on utilise pour faire les choses. Si on n'en a pas, on ne va pas faire. Yeah, c'est le fait qu'il dit, si on n'a pas d'argent, on ne fait pas. Je me rappelle lorsqu'on a été à collègue, on a commencé à diffuser la prédication de l'évêque sur la télé. Et à un moment donné, on a demandé que les gens donnent de l'argent pour qu'on puisse payer. Il n'y a pas d'argent. L'évêque a dit, on arrête. On arrête de diffuser la prédication sur la télé. On n'est pas forcé, on n'est pas ici pour impressionner les gens. Il voit beaucoup de personnes qui sont en dette, sont des dettes. Sont des dettes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas insecte. Là, c'est pas insecte. C'est la sagesse de Dieu. Yeah. Et nous sommes en train de construire des églises. La fois passée, il y a quelques semaines, l'évêque a dit qu'on va avoir des bâtiments, 1000 bâtiments au Ghana, l'église. 1000 bâtiments. Par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Par la sagesse de Dieu. Oh, Lighthouse, on prend les coins, 20 Ghana. Vous voulez 20 Ghana? Oui, on veut 20 Ghana. Je dis 20 pesos. Vous voulez 20 pesos, 10 pesos? Oui, amenez 20 pesos. Ça, c'est une sagesse. Parce que lorsque Jésus a nourri les 5000 personnes, après avoir mangé tout, Jésus a dit quoi? A dit aux disciples, prenez et ramassez les miettes. Et lorsqu'ils ont ramassé les miettes, ils ont trouvé combien? 12 panier. L'Africain n'aime pas ramasser les miettes. Les miettes dans ta vie, c'est quoi? Les coins. Tu ne considères pas. Oh, coins, tu jettes. Tu jettes. Tu jettes. Yeah? C'est le commencement. Lorsque tu commences à considérer les petites choses, et tu l'es petit à petit. C'est comme ça dans la richesse. Petit à petit, tu vas voir que tu deviens riche. Hein? Un Ghana, c'est oh, un Ghana, c'est quoi? Mais ici, on va prendre un Ghana. On va prendre les 50 pesos. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. La richesse ne vient pas dans un jour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, la sagesse de payer la dîme. Ce matin, la sagesse. De payer la dîme. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Est-ce que vous êtes là? Et la sagesse de Dieu te permet de faire beaucoup de choses dans ta vie. La foi veut dire la gloire de Dieu. Le Dieu que la sagesse te donne une certaine gloire. Certaine beauté. Si on dit donner, tu n'as pas de problème à donner de l'argent. Parce que tu as beaucoup à donner. La beauté de ne pas avoir des créditeurs ou bien des débiteurs. Ceux qui ont fait la comptabilité. C'est quoi? Des personnes à qui je dois. C'est débiteur ou bien créditeur? Débiteur. Tu as beaucoup de débiteurs. La beauté de ne pas avoir de débiteurs. C'est une gloire que tu as. Alléluia. Amen. Donc ce matin, on va parler un peu de lorsque tu donnes ta dîme. La dîme, et c'est dans Malachie chapitre 10. Oui. Apporter du trésor. Lorsque tu amènes tu appelles la dîme, tu amènes du trésor, de la provision dans la maison du Seigneur. Alléluia. Yeah. Yeah. Donc la dîme est la provision pour la maison, bien la construction. Je peux même dire la construction parce que c'est tout. Alléluia. Avant d'avoir la provision, d'avoir une maison. C'est ça, non? Yeah? Avant d'avoir la provision, d'avoir une maison. Alléluia. Donc la dîme est la provision, bien la construction de la maison du Seigneur. Waouh. Alléluia. Yeah. Comment ceux qui paient la dîme se font construire une maison pour Dieu? Une maison. Une maison pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc la première chose, lorsque vous payez la dîme, vous amenez de la provision pour la maison. Provision. Provision. Provision. On lit ce verset dans Malachie, ok, dans Néhémie chapitre 10. Alléluia. Verset 34. Néhémie. Ok. Vous êtes là? Oh, ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Il n'y a pas le projecteur, donc. Alléluia. Néhémie, chapitre 10, verset 34. Alléluia. Wow, vous êtes là. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites, peuple, au sujet du bois, qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes pour qu'il fût brûlé sur l'autel de Dieu, notre Dieu, l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Alléluia. D'amener à la maison de Dieu, aux sacrificateurs qui font le service de la maison de notre Dieu, le premier-né de nos fils et de nos bétails, des fils de nos bétails, ok, comme il était écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans la chambre de la maison, notre Dieu, et les prémices de notre et nos offrandes dans des fruits de tous les arbres, de mou, de l'huile, de l'hiver, de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent les prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Seigneur, de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Waouh! Car les enfants d'Israël et les fils de Lévite apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et de l'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service et les potiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Alléluia. Yeah. Yeah. C'est pourquoi le pasteur paie la dîme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Le pasteur, lorsqu'on amène la dîme à la maison du Seigneur, et puis on paie le pasteur aussi paie la dîme de la dîme. Yeah. Parce que le pasteur aussi est... Tout le monde est inclus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, parce qu'une partie de la dîme est payée, le pasteur, on paie le pasteur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, donc, lorsque vous apportez de la dîme, vous amenez de la provision. La provision. La provision. Certains d'entre vous, la provision, ce n'est pas facile. Hein? Normalement, lorsqu'on parle de provision, c'est quoi? Nourriture. C'est ça, non? Ce qu'on doit manger. Ce qu'on doit manger. Yeah. Parfois, on n'a rien à la maison à manger. Yeah. On n'a rien à manger. Ce n'est pas facile. Alléluia. Et je me rappelle, il y a un moment dans ma vie, je n'avais rien à manger. Rien. Rien. On a faim, on jeûne par la force. C'est parce qu'on n'en a pas, on jeûne. Certains ont fait la même chose, ou bien? Il n'y a rien à la maison, on doit jeûner. Ce n'est pas facile. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de provisions à la maison. Alléluia. Parfois, je m'étonne. Parfois, je dis, ah, Seigneur, donc qu'est-ce qui s'est passé ces temps-là où j'avais tellement faim, je n'avais pas à manger. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup à manger, je n'arrive pas à manger. Parfois, je me demande. C'est mystérieux. Est-ce que vous comprenez? C'est mystérieux. Et le Seigneur fera la même chose pour toi. Amen. Aujourd'hui, tu n'en as pas, c'est même pas beaucoup. Tu as fait beaucoup de calculs chaque jour du mois. Tu as fait aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ça, demain, c'est ça. Programme pour manger. Alléluia. Yeah. Donc, lorsque tu amènes la provision, le Seigneur aussi te donne la provision. Et vous savez, le mystère est que, pas seulement la provision, le Seigneur te donne une maison dans laquelle te donne aussi la provision. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Lorsque tu paies ta dîme, tu vas construire une maison. Le Seigneur va t'aider à construire une maison. Parce que tu l'as aidé à construire la maison, sa maison. Est-ce que vous croyez ce que je dis? Vous croyez ce que je dis? Ok, j'allais. Restez là-bas. Lorsque vous amenez la vie, vous investissez. C'est un investissement. Alléluia. Lorsque tu plantes l'oranger, tu ne vas pas récolter l'ananas. C'est ça, non? Ah, lorsque tu mets le maïs dans le sol, tu ne vas pas récolter quoi? L'orange. Ou bien, vous comprenez ce que je dis? Lorsque tu investis de l'argent, tu mets l'argent dans la banque. Comme épargne, c'est ça, non? Comme épargne. Qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois de l'oranger, de l'orange? Non. Tu vas là-bas, le chef de banque là te donne, dit que okay, moi, ce mois-là, tu as fait de profit et puis nous avons amené, des légumes, du sel, et puis on a amené les choses là pour toi. Tu vas dire, mon chef, qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu vas demander à la banque. Yeah. Lorsque tu mets de l'argent à la banque, à la fin du mois, ton intérêt, c'est de l'argent. Yeah. Alléluia. Et donc, lorsque tu aides, tu amènes ta dîme pour construire la maison du Seigneur. Le Seigneur ne va pas te donner autre chose. Et je vais vous poser une question. Lorsqu'on parle de richesse, on dit que quelqu'un est riche. Qu'est-ce qu'il montre? Maison, quoi aussi? Voiture, quoi aussi? Les terres, quoi aussi? La manière de s'habiller, quoi aussi? Oh, il faut dire, ici là, vous ne connaissez pas. Si on dit que quelqu'un est riche, qu'est-ce qu'il montre? Les voitures, quoi encore? La nourriture, quoi encore? Les comptes bancaires, quoi aussi? Le quoi? Le teint change. Quoi aussi? Quoi? La quoi? Les gens qui sont à son service, quoi aussi? Les jets privés, quoi aussi? Les entreprises, quoi aussi? La femme, quoi aussi? Les voyages multipliés, quoi aussi? Le parfum, quoi aussi? Les quoi? Il grossit, quoi aussi? Les bétails, il grossit, quoi aussi? Les terrains, quoi aussi? La santé, quoi aussi? Beaucoup de... Colombe, nous sommes à l'église, s'il te plaît. Nous sommes des chrétiens, ok. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. Toutes ces choses. Alléluia. Tout ce que vous avez mentionné. Il y a seulement une chose qui est sûre et vraie. Que la personne est riche. C'est quoi? Les maisons. Yeah. C'est la maison. C'est la maison. Yeah. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent dans les comptes, mais n'ont rien. Donc, qu'est-ce qu'il montre? Parce que la Bible dit que la richesse fait beaucoup de grandes choses. Il y a un verset là dans Matthieu. Matthieu. Alléluia. Matthieu. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. Ok, s'étant enseigné. Ok, certes, s'étant rendu dans sa patrie. Ok, il enseignait dans la synagogue. De toutes sortes, ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Alléluia. Lorsque tu lis quelques versets, quelle est la sagesse qui fait beaucoup de grandes choses? Ça fait grandes choses, la maison. Les voitures, tu as besoin d'un fou pour venir cogner ta voiture et puis c'est fini. La voiture est gâtée. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Et entre la voiture et la maison, la maison, le prix de la maison augmente toujours. Mais le prix de la voiture descend. Yeah. Tu achètes une voiture aujourd'hui, comme au Ghana, tu achètes une voiture aujourd'hui et on voit le numéro de la voiture. Et tu vois que même si c'est cette année, tu ne vas pas avoir le même prix. On te dit que le fait que tu as déjà utilisé, on ne va pas te payer le même prix. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'en fous de la voiture. Je me rappelle lorsque la première voiture, oh, les voitures, les voitures là, c'est comme tu prends ça chaque fois, tu fais les choses comme ça. Et puis un jour, quelqu'un a cogné la voiture et dit, ah. Je me plaignais de la voiture. Mais un jour, quelqu'un a cogné la voiture et dit, ah, ça là, c'est quoi? Je dois aller réparer. Ce n'est plus une nouvelle voiture. Parce que quelqu'un a déjà cogné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah! C'est pas la voiture. La voiture, c'est rien. Et tu vois, beaucoup de personnes, ils ont emprunté les voitures. Ils ont emprunté de l'argent pour acheter. Alléluia. C'est pas les habits. Lorsque tu portes, dans quelques jours, tu ne peux plus porter. C'est pas les chaussures. Et ils disent parfum. C'est le teint change. Peut-être les entreprises. Quelqu'un m'a dit les entreprises. Yeah, les entreprises. Yeah, ça fait partie de la maison. L'entreprise, les sociétés. La personne a beaucoup de sociétés. La personne est riche. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis que lorsque tu fais la dîme pour construire la maison du Seigneur, le Seigneur va t'aider à construire une maison. Et ça qui montre la richesse. Yeah, ça qui montre la richesse. Alléluia. Yeah. Yeah. Et lorsque tu vois les gens qui sont riches, leurs voitures ne sont pas trop. Ce sont les nouveaux riches. Les nouveaux riches. Ils vont acheter d'habits qui éclatent, qui est éclatant. Ils vont acheter des voitures. Ils vont acheter des iPhones. Ce sont les nouveaux riches. Ils viennent d'arriver. Ce sont les gens là qui achètent des choses là. Pour montrer parce que... Yeah. Mais quelqu'un qui est vraiment riche. À un moment donné, l'évêque conduisait un pick-up. Vous connaissez pick-up? Pick-up, c'est quoi? En français, c'est quoi? Quoi? Bâché. Double cabine. Yeah. Yeah. Il conduisait ça. Et puis, il a écrit au-dessus, You may never know limited. You may never know limited. Vous comprenez ça? En français, c'est quoi? Tu ne sauras jamais limité. Non, limité, c'est quelque chose de société. On l'appelle. Sale. On dit sale, non? Sale. Société anonyme à responsabilité limitée. Ça, c'est limité. Donc, il dit, you may never know sale. Tu ne seras jamais sale. Yeah. Tu ne seras jamais. Yeah. Il a fait de grandes choses. Il est tel, il dit que il est fatigué de la richesse. Il est fatigué. Ce qui ne cherchait pas le poursuit. Il est en train de chercher le royaume de Dieu. Le royaume, il est en train de construire. Et puis les richesses le poursuivent. Ce que tu es en train de chercher le poursuit alors que lui ne cherche pas. Donc lorsque tu le vois, tu vas voir, lorsqu'il est en train de conduire, c'est pourquoi on dit que la voiture, ce n'est pas une richesse. Parce que ceux qui sont riches n'ont pas de grandes voitures. Donc il a dit, you may never know limited. Tu ne seras jamais sale. Alléluia. Est-ce que vous recevez la sagesse ce matin? Yeah. La sagesse, c'est la construction des maisons. Construction des maisons. Donc si tu as une maison, c'est que tu es riche. Tu ne paies pas de loyer. Tu paies de loyer, l'argent que tu vas payer. L'argent que tu dois normalement utiliser pour construire ta maison, tu vas te donner ça à un landlord. Yeah? Mais à partir d'aujourd'hui, si tu pratiques cette sagesse, le Seigneur va te donner aider à construire une maison. Yeah? Le fait même d'avoir l'idée, Seigneur, je vais payer la dîme. Seigneur, je vais aider à construire la maison, ta maison. Seigneur, le Seigneur va te donner une certaine sagesse et qui va t'aider à construire une maison. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc la dîme, il y en a beaucoup de questions concernant la dîme. Ces questions ne changent pas la vérité. Il y a certaines questions, moi-même je ne peux pas te donner une réponse. Parce que c'est un mystère. Vous comprenez? Il y a beaucoup de questions que je ne peux pas te donner des réponses. Moi, je crois seulement. Alléluia. Yeah. Et si tu veux attendre, avoir les réponses à toutes tes questions, tu vas voir que tu vas grandir dans la pauvreté. Yeah. Yeah. Parce que tu vas te poser des questions, tu vas voir que tu ne vas pas payer ta dîme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin? Yeah. Yeah. On va poser des questions, on va chercher à comprendre tout ça là. Mais vous allez voir que le mystère est toujours mystère. Et Dieu est toujours Dieu. Et il y a certaines choses qu'il va faire, il va faire que tu ne vas pas comprendre. Parce qu'il est Dieu. Sinon, on va prendre sa place. Si tu connais tout, c'est vrai que tu es Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Yeah! Dieu est toujours Dieu. C'est pourquoi parfois tu veux que Dieu fasse quelque chose d'une manière. Non, il ne va pas le faire de cette manière. Ou bien, il ne va pas faire ça de ta manière. Il fait ça de sa manière pour garder sa position comme Dieu. Pour garder cette position. Alléluia. Et il va donner à ces, il va révéler à ces personnes-là, il veut révéler ce mystère, il veut te faire comprendre, il veut te faire comprendre. Il décide qui il veut donner cette révélation. Il décide qui il veut expliquer. Il décide qui il veut montrer certaines choses pour garder cette position de Dieu. Yeah. Ce n'est pas le fait que toi, tu as beaucoup de questions que dans l'autre. Non, il décide lui-même. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici ce matin? Vous êtes là. Vous allez investir dans la maison du Seigneur. Investissons. Investissons. Ceux qui ont investi et sont devenus riches nous disent la même chose. Hey. Wow. Ces choses, tu ne vas pas avoir ça à l'école. Oh. Cette sagesse, ce n'est pas l'école. Vous comprenez? C'est pas à l'école. Tu ne vas pas avoir ça à l'école. C'est dans la parole de Dieu. Yeah. Dans ce que tu sèmes, tu vas récolter la même chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et Dieu est touché par ton désir. Je veux. Je n'ai pas d'argent. Je reçois seulement 100 000. Seigneur, je t'amène 10 000. Je reçois seulement 20 000. Seigneur, j'ai seulement 2 000. Le fait que tu as 2 000 pour donner, ça c'est grand même. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le montant. Et surtout lorsque les riches sont le plus souvent égoïstes. les riches. Hein? Les riches n'aiment pas donner. Vous comprenez? Yeah? Si tu veux faire une cotisation, il faut aller aux pauvres. Les riches, le plus souvent, ne donnent pas. Vous me regardez. De toute façon, c'est comme vous ne croyez pas. Yeah! Par l'expérience de cette église, on a réalisé que les riches ne donnent pas. Ce sont les pauvres qui donnent. Et avec le temps, le Seigneur a élevé ses pauvres. Yeah, avec le temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, c'est mieux de commencer à apprendre comme étudiant. Parfois, on a beaucoup de questions concernant les étudiants qui ne reçoivent pas de salaire, des trucs comme ça. Non. Comme étudiant, le peu que tu reçois, commence à payer maintenant. Parce que tu es en train de réaliser une parole. Tu es en train de mettre en pratique une parole. Qui dit quoi? Lorsque tu es fidèle dans de peu de choses, le Seigneur te donne de grandes choses. Tu reçois seulement 20 000 et puis tu n'es pas fidèle. Tu crois que le Seigneur va te donner 200 000? Oh. Parce qu'avec 200 000, maintenant c'est 20 000 que tu vas payer comme dîme. Mais tu vas dire, ah, 20 000. Seigneur, je vais enlever 20 000 pour donner. Ou bien tu gagnes 200 millions. La dîme, c'est combien? 2 millions comme dîme. Si tu ne commences pas à payer 2 000, tu ne peux pas payer 2 millions comme dîme. Donc, Seigneur, je vais commencer, lorsque je commence à travailler dans oil and gas, et je suis sur le plateforme, sur l'océan Atlantique. Je fais un mois sur l'océan Atlantique, et je reçois 2 millions de CFA. Seigneur, je vais amener 2 billions. C'est pas possible. Il faut commencer à apprendre ça maintenant. Yeah. Yeah, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve ce que je dis. Ne paie pas maintenant avec les 2000. Tu vas voir que lorsque tu gagnes beaucoup, tu ne peux pas payer. Donc, développons l'habitude de payer les peu. 1 000, 2 000, 30 000. Lorsque je reçois 30 000, je paie 3 000. Lorsque je reçois 40 000, je paie 4 000. Les peu là, lorsque tu es fidèle, tu peux payer 2 millions comme dîme. Un jour, lorsque tu gagnes 200 millions. Et c'était vous allez gagner 200 millions. Dans oil and gas. Pétrole et l'huile. C'est ça, non? Pétrole et l'huile. Et dans les mines. Yeah, vous allez gagner. Mais apprenons maintenant à payer. Le peu que vous recevez. Le peu qu'on vous donne, le revenu qu'on vous donne, l'argent que vous avez, le western, le peu, commencez à payer parce que ce n'est pas difficile à payer le peu. Ce n'est pas difficile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Beaucoup de riches ne paient pas la dîme. Beaucoup de riches, parce que ce n'est pas facile, ils n'ont pas développé l'habitude. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et tu vas voir, avec le peu que tu as, le Seigneur ouvre une porte. Moi, je suis un témoignage. Yeah. Je suis un témoignage. C'est la dîme qui a ouvert une porte pour moi. C'est la dîme. Je suis un témoignage. Je vous dis la vérité. Yeah. C'est la dîme qui a ouvert cette porte. Et aujourd'hui, ma vie a changé complètement. Alléluia. Donc, dans ta pauvreté, il ne faut pas dire que non, j'ai peu de temps. Non, je ne sais pas. Le pasteur va bouffer. Yeah, le pasteur va prendre ça et bouffer. Le pasteur va manger une partie. Ça, c'est la vérité. Yeah, ça c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Yeah, yeah, yeah. Là, attention, on n'a pas beaucoup de pasteurs à plein temps. On n'a pas beaucoup. Les pasteurs laïcs sont beaucoup, je fais partie. Beaucoup de pasteurs laïcs. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour payer les pasteurs. L'argent ne suffit pas. Tu donnes un Ghana, tu dis combien on va payer? Donc, beaucoup de pasteurs que vous voyez à Kodesh, là, il y a beaucoup sont à laïco. Je fais partie des laïcs. Les prêtres sont peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour les payer. On a besoin d'argent pour construire, pour envoyer les missionnaires, pour faire des choses spirituelles. Alléluia. Yeah. Donc, lorsque vous payez une partie, on va payer au pasteur. Et il va bouffer. Il va manger. Il va acheter le véhicule. Il va payer la scolarité de ses enfants. Mais alors que tu es en train de faire ça, le Seigneur aussi va te faire la même chose. Moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Ah. Et vous voyez, l'ennemi va vous donner des mauvaises idées. Surtout lorsque tu vois le pasteur en train de prospérer. L'ennemi va vous donner de mauvaises idées pour vous mettre dans la pauvreté. Yeah. Qu'est-ce que on vient de lire dans Lévitique là? Il dit amener les Lévites. Ce sont les pasteurs. Les Lévites vont prendre. Et lorsqu'ils prennent, ils vont aussi payer leur dîme. Les Lévites vont prendre. Ou bien, les pasteurs vont prendre. Amen. Ce n'est pas à jeter en les Seigneur, reçois ma dîme. Non. On ne peut pas faire ça. Non. Alléluia. C'est pour la maison du Seigneur, pour qu'il y ait de provision, pour qu'il y ait de nourriture, pour qu'il y ait de quoi on a besoin, pour qu'on puisse acheter des chaises. Tu assis sur une chaise, quelqu'un qui a payé ça. C'est la dîme de quelqu'un. Tu assis sur la dîme de quelqu'un. Tu assis sur la dîme de quelqu'un. Tu assis sur le sort de quelqu'un qui a payé le bâtiment là. Quelqu'un qui a payé ça là, sa dîme a acheté ça là. Hein? Ceux qui sont assis sur le ventilo, c'est la dîme de quelqu'un. C'est la provision. Yeah. C'est la provision. Quelqu'un a acheté le micro. Tu vas. Je n'entends pas. C'est quelqu'un qui a acheté ça pour que tu entends. Vous critiquez. Oh, le micro ne travaille pas. Yeah. Lorsque j'ai commencé, il y a un problème. Il va dire, ah, mais l'église là. Il n'y a pas le micro. Le truc là ne marche pas. Ils sont là. Quand j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Hein, la batterie olympique, il faut acheter de qualité, il faut acheter. Les gens ont critiqué le ce matin. Yeah, mais pourquoi il y a le bruit dans le micro? C'est la dîme de quelqu'un. Donne ta dîme qu'on puisse acheter. Tu es assis, tu ne comprends pas les choses, tu es en train de critiquer. Yeah. Yeah. Yeah. Si tu n'amènes pas, on n'aura pas de provision. Dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur doit être bien équipée. Il doit y avoir beaucoup de provisions dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de provisions. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez payer la dîme? Yeah. Et la semaine passée, le Seigneur a donné un message à un de nos frères pour donner à l'église. Yeah. Il a dit que tout le monde paie la dîme. Tout le monde paie la dîme. Et puis il a donné un autre message qui est aussi très très important. Que tout le monde contribue pour supporter les orphelins. Alléluia. Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un message que je vous remets à tout le monde. Et ici on a un orphelinat. Et chaque Noël en décembre, nous donnons pour les orphelins. Et donc, le Seigneur nous informe à partir de maintenant de nous préparer pour ce temps. Alléluia. Tout le monde ici, pour ce temps, en décembre, qu'on va donner pour l'orphelinat, pour les supporter. Ah, est-ce que vous comprenez? Mais avant ça, vous devez payer la dîme parce que c'est le même message. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette confirmation. Le Seigneur veut nous amener à un niveau d'abondance et de prospérité. Et il demande à tout le monde de payer la dîme. Tout le monde sans exception. Sans exception. Sans exception, s'il vous plaît. Alléluia. Et si nous suivons et nous obéissons à ces instructions, vous allez voir la différence que le Seigneur va faire dans votre vie. Au nom de Jésus. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Fermez les yeux. Et dis merci à Dieu pour ce message. Alléluia. Mais remercie le Seigneur pour le message, pour sa parole, pour cette instruction que le Seigneur nous donne. Remercie-le. Remercie-le. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Et décide dans ton cœur que tu vas commencer à payer. Tu vas commencer à donner. Tu vas commencer à te préparer pour donner aux orphelins. Pour donner de la provision aux orphelins. Pour contribuer à leur support. Au nom de Jésus. Et pour la dîme, tu décide qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu reçois, tu fais une succession de la dîme. La dîme ne t'appartient pas. Dans Lévitique chapitre 27, verset 30, la dîme appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Et lorsque tu mélanges la dîme à ton argent, il y a une malédiction qui peut te frapper. Mais démon, Seigneur, je ne veux pas. Pardonne-moi si je n'ai pas payé. Pardonne-moi. Il est un Dieu qui nous donne une autre chance, une nouvelle chance. Prie que Seigneur, donne-moi une nouvelle chance. Je n'ai pas bien compris. Mais maintenant, je comprends. Est-ce que tu pouvais prier? Priez tout le monde, s'il vous plaît. Fermez les yeux, priez. Fermez les yeux, priez. Ce matin, Seigneur, merci. Décide. À partir d'aujourd'hui, je vais payer. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Seigneur, nous avons décidé ce matin. Et nous te demandons de nous donner la force. Parfois, on est tenté. Parfois, la situation est tellement que on oublie parfois. Mais ce matin, Seigneur, nous demandons pardon. Aide-nous, donne-nous cette grâce pour ne pas oublier. Cette grâce pour venir donner la dîme au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Et tout le monde dise amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Merci, s'il vous plaît. Avant de partir, on ne va pas partir ici sans te donner l'opportunité de donner ta vie à Dieu. C'est le commencement même. Avant de commencer à payer ta dîme, tu dois donner ta vie à Dieu. Et si tu es là ce matin, les yeux fermés, fermez les yeux s'il vous plaît. Fermez les yeux. N'aie pas honte de la personne qui est à côté de toi. C'est la vie et la mort. La Bible dit ceux qui donnent leur vie à Dieu reçoivent la vie éternelle. Et si on n'a pas la vie éternelle, on ne peut pas aller au paradis. C'est l'enfer qui nous attend. Il y a une vie après ce monde. Si tu crois ou pas, ce matin, je te dis qu'il y a une vie après ce monde. Et après cette vie, où est-ce que tu seras? Et dans ce matin, je te donne l'opportunité. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je vais prier avec toi. Lève la main. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Les yeux fermés. Merci, ma soeur. Merci, je vois les mains. Toi, si tu veux lever la main, merci, la main derrière, la soeur qui est derrière. Merci. Toi, si tu veux lever la main, s'il te plaît. Tu peux pas quitter ici sans donner ta vie à Dieu. Merci. Merci, je vois les mains. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie. La vie dit qu'on va tous comparaître devant Dieu, devant le trône de jugement. Le Seigneur va nous juger. Tu ne veux pas être jugé et amené dans l'enfer. Tu veux aller au paradis. Tu veux aller avec le Seigneur. Tu veux rester avec le Seigneur un jour. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux faire une chose chaude? Tu peux venir devant ma prière. Ma soeur, viens. Viens devant ma père, ma soeur. Merci. Merci, ma soeur, viens, on va prier. Il y a une autre personne derrière. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alléluia. Merci, Seigneur. Non, ça va. Ça va. On va prier cette prière. Je veux que vous fassiez cette prière, votre propre prière. Une prière à Dieu. Et le Seigneur va vous sauver ce matin. Alléluia. Fermez les yeux et répétez après moi. Dis Seigneur. Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci pour ton Fils que tu as envoyé. Ce matin, je renonce à ma vie ancienne. Je veux te donner ma vie. Je crois que Jésus est venu pour me sauver. Et je lui donne ma vie ce matin. Je veux le servir. Je veux l'obéir. Je veux faire tout ce qu'il me demande de faire. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang. Merci Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir à partir d'aujourd'hui. Je serai ton enfant. Je serai ta fille. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le salut. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour la vie éternelle. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la force de pouvoir te servir, de pouvoir t'obéir à partir d'aujourd'hui. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.